Okay. Les boys côté. Agent V. T. G. V. A. S. 9. S. A. M. L. W. J'paye pas le télo, pas de tequero, fais pas le terreau, joue pas l'héros. J'fume que du shit, j'prends pas d'héros. Si t'as pas un, moi j'ai zéro. Bienvenue à Paname, ça sent la mort sur le macadam. J'vois que tu descends du sage, veux que je t'ai mis la banane. Donc petit reste sage, mets pas le shit dans l'emballage. Faut contrôler la chute pour un bon atterrissage. Faut contrefaçon pute où il a rue à deux visages. Encore le même paysage, et les cheveux qui dévisagent. Agent 30 dans le virage, t'as pas vu l'équipe de pirate. C'est trop lourd, dès que t'entends, tu veux savoir c'est qui rap. Qui rap, qui braque, on verra bien qui rira. Du coco, du bédo, passe au McDo, prends ma Big Mac, pas de mytho. Comico, quand ça déboule à 6 du mat. Dans Twingo, monte l'ego toujours avec V et patate. Un mix de flow, un son de fou qui fait de l'effet. Deux frères qui kick même quand la vie pue la défaite. On est venu grave au MC à la recherche de la recette. LOS Gringos, rappelle-toi bien de ces 9 lettres. Un mix de flow, un son de fou qui fait de l'effet. Deux frères qui kick même quand la vie pue la défaite. On est venu grave au MC à la recherche de la recette. Rappelle-toi bien ces 9 lettres. Un mix de flow, un son de fou qui fait de l'effet. Deux frères qui kick même quand la vie pue la défaite. On est venu grave au MC à la recherche la recette. LOS Gringo, rappelle-toi bien ces 9 lettres. Click click boom, salam alaikum. Bande de pute pute pute, ramassez les douilles. Toc toc toc, faut pas que tu perds tes couilles. J'ai des potes potes potes en numéro des crews. C'est un hold up, ça kick non-stop. Y'a des rimes en stock, y'a des punch en tonne. Ça bédave dans le box, oui des vodka pomme. Fais pas le fou, joue pas l'Al Capone. Salope, c'est ton cul que tu veux que j'cartonne. Y'a qu'avec les chemins qu'on fait des chasses à l'homme. T'as qu'une pauvre équipe, t'es gentil, tu pardonnes. Dans mon équipe y'a des kills, mais t'inquiète, ils se la donnent. Arrête de faire le king, on va te niquer sur le parking. Vu que tu m'as pris en surprise, un peu comme une perquise. Bébé, tu lèches des bits, y'aura de la baisse, pas de kiss. Les prods, c'est comme un plus vieux, les bédards par 10. Un mix de flow, un son de fou qui fait de l'effet. Deux frères qui kick même quand la vie pue la défaite. On est venu grave au MC à la recherche de la recette. LOS Gringos, rappelle-toi bien de ces 9 lettres. Un mix de flow, un son de fou qui fait de l'effet. Deux frères qui kick même quand la vie pue la défaite. On est venu grave au MC à la recherche de la recette. LOS Gringos, rappelle-toi bien de ces 9 lettres. Un mix de flow, un son de fou qui fait de l'effet. Deux frères qui kick même quand la vie pue la défaite. On est venu grave au MC à la recherche de la recette. LOS Gringos, rappelle-toi bien ces 9 lettres.